Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la popote des idées, jusqu'à 11h30 sur Radio Laser, on parle du revenu de base. €700 milliards, c'est le coût approximatif de la protection sociale en France chaque année. Plus de 30% de son produit intérieur brut, des dépenses qui n'empêchent pas aujourd'hui la France d'avoir 8 millions de citoyens vivant sous le seuil de pauvreté. Plus localement, on apprenait en début de semaine, via une étude menée conjointement par l'INSEE et par l'Agence d'urbanisme de l'agglomération de Rennes, que 11% des habitants de l'agglomération vivent sous le seuil de pauvreté. C'est donc incontestable, la protection sociale française possède des limites. Alors, pour améliorer cette situation, plusieurs solutions sont proposées, notamment celle d'adapter les allocations existantes pour aider les plus pauvres ou de créer de nouvelles aides sociales. Mais dans cette réflexion, un projet bien ancien revient sur le devant de la scène, le revenu de base. S'il existe différents courants de militants, le principe général du revenu de base reste le même. Chaque citoyen doit pouvoir recevoir une somme fixe mensuellement, quel que soit son métier, son âge, son niveau de diplôme, etc. Cependant, la somme versée allant de quelques centaines à 1 000 000 €, le terme à utiliser varie lui aussi. On parlera parfois de revenu universel, d'allocation citoyenne, de salaire à vie, etc. Ce projet, qui se veut citoyen avant d'être économique, selon ses défenseurs, remettrait en cause toute la construction de notre société forgée autour de la valeur travail. En effet, pourquoi aller travailler si nous sommes assurés d'un revenu fixe à la fin du mois et qui ira faire ce qu'on qualifie souvent comme le sale boulot? Mais, par ailleurs, le revenu de base ne permettrait-il pas de revaloriser le bénévolat, l'engagement pour des causes humanitaires ou dans des actions culturelles? Ne serait-il pas un moyen de nous libérer du travail pour ne pas, comme le dit le slogan, perdre notre vie à la gagner? Alors, revenu de base, avancée sociale ou institutionnalisation de la pauvreté, on en parle jusqu'à 11h30 sur Radio Laser. Les deux chroniqueurs de l'émission sont présents pour discuter, Colin et Clément. Colin, je te laisse le micro. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. De quoi tu vas nous parler? Alors aujourd'hui, j'ai essayé tant bien que mal de comprendre ce que c'était le revenu de base. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi, mais on verra bien. Très bien. Et Clément, bonsoir à tous. Dans ton reportage, qui es-tu allé rencontrer? Eh bien, j'ai pu rencontrer pendant quelques minutes un militant des Jeunes Républicains à qui j'ai pu demander la position de son parti, donc les Républicains et les Jeunes Républicains, et aussi des questions au niveau économique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à Yves et Arthur qui sont à la technique cette semaine encore. Merci beaucoup au Club de la Presse de nous accueillir pour cette émission. Encore une fois, vous connaissez l'équipe et le sujet. La popote des idées du samedi 10 décembre 2016, c'est parti. Et donc, pour aborder cette question du revenu de base, je reçois aujourd'hui 3 invités. Pascal Banchu, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes ici représentant du mouvement français pour un revenu de base, la section rennaise. Le mouvement français existe depuis 2013 et milite donc pour l'instauration en France d'un revenu inconditionnel cumulable avec d'autres revenus distribués par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Donc j'ai cité la définition que vous donnez, c'est à peu près ça. Vous validez? C'est exactement ça, vous avez lu, hein, donc pas de souci. Très bien. Pour discuter avec vous, je reçois Michel Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rennes 1 et vous avez, vous connaissez un peu, vous avez travaillé sur ces notions, cette notion de revenu de base, de revenu universel, on verra justement quel terme utiliser. Et enfin, pour prendre part à la discussion, Didier Gaillard, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes représentant du syndicat Force Ouvrière 35, il est Vilaine ici, un syndicat qui s'est opposé à ce principe de revenu de base, qui serait un système, si je ne me trompe pas, qui, selon vous, oublierait les avancées sociales qui ont été acquises durant des années. On va en discuter. On va en discuter. Très bien. Alors justement, on pourrait certainement commencer par un principe de définition, puisqu'il y a de nombreux termes. Et alors, voilà, on parle parfois de revenu de base, de revenu universel, de salaire à vie. Et donc, première question, peut-être à vous, Pascal Branchu. Pourquoi tant de termes? Est-ce que tous ces termes veulent dire la même chose ou justement le fait de parler de revenu de base, c'est un terme très précis? Alors moi, je suis du groupe local de Rennes, hein, qui existe depuis 2013. Et en fait, le mouvement français du revenu de base existe depuis mars 2013, l'association. Nous, on l'a vu arriver à Rennes en 2012 et on a participé à l'initiative citoyenne européenne qui était sur ce sujet. Donc c'est à partir de là, on a vu l'émergence la réémergence en fait de ce projet qui existe en fait depuis 1795, Thomas Paine, hein, voilà, sans revenu pour un petit citoyen. Enfin, c'est quelque chose qui existe depuis un bon petit moment et on y arrive peut-être enfin. Après, sur la question de l'engagement local, on fait la différence en fait entre le travail et l'emploi, le salarié, le salaire, voilà. Un revenu, c'est pas un salaire, voilà. On fait le distinguo là-dessus et on essaie justement de proposer un autre projet de société qui puisse donner des réponses, notamment sur l'éradication de l'extrême pauvreté. En France, 14,3% de la population seuil de pauvreté, 8,6%, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, la protection sociale a des limites. Et c'est vrai que la réponse aujourd'hui, on est sur un dispositif qui s'appelle le RSA, qui est corrélé à l'emploi. Et le plein emploi n'existe plus, Bernard Stiegler l'a très bien dit. Et 50% des emplois d'aujourd'hui auront disparu dans moins de 20 ans. Voilà, donc faut s'adapter aussi à la société, et donc on parle d'aujourd'hui, mais aussi des années à venir. Et donc on pense, on prétend que le revenu de base est une très bonne proposition qui va se mettre graduellement en place. C'est-à-dire que c'est pas un pack, et il reste à définir. C'est-à-dire qu'on parle souvent du montant par erreur, mais de quel revenu de base on parle ? Parce qu'il y a autant de revenus de base que de projets de société. Et donc c'est là-dessus où l'intérêt de venir vous voir justement, c'est pour expliquer justement. Surtout aux jeunes qui sont là pour reprendre le flambeau. Nous-mêmes, en fait, on reprend le flambeau du Conseil national de résistance des années 45, qui, avec justesse, avait créé la protection sociale. Voilà. Donc nous, on est pour un nouveau pivot de la protection sociale qui s'adapte justement aux évolutions sociétales et qui soit vraiment une avancée et non un moins-disant social pour justement être une réponse vraie et entière à la pauvreté. Donc tous ces termes cachent différents projets à développer derrière. Michel Renaud, vous êtes d'accord qu'il y a plein de projets possibles sur ce principe d'un revenu qui serait versé à tous ? Oui, alors moi je suis maître de conférence, mais je suis économiste, mais j'essaie de me soigner, enfin tous les points de vue, surtout aujourd'hui. Donc, alors sur le revenu de base, moi je me suis intéressé essentiellement d'un point de vue historique aussi, l'histoire de la pensée, puisque Thomas Paine a été évoqué. C'est vrai que par rapport à l'évolution historique des conceptions du revenu de base, on voit bien que ça correspond à différents projets de société. Bon, en particulier, moi, ce qui m'intéresse, puisque je fais aussi partie d'une association ONG qui s'appelle PKEA, c'est-à-dire un savoir politique et éthique sur les activités économiques, c'est un peu déconstruire un certain nombre d'idées, en particulier les idées néolibérales. Et donc, on voit bien que derrière le revenu de base, bon, par exemple, il y a des variantes néolibérales qui ont été promues, par exemple, aux États-Unis par des gens comme Milton Friedman, donc avec un projet qui était assez complexe, qu'on peut résumer, on a souvent résumé par un impôt négatif, donc qui visait finalement, pour faire un résumé très court, à abaisser le coût du travail. Donc voilà, donc c'était un peu cette logique-là. Et donc on retrouve aussi des variantes comme ça, puisque Pascal Branchu évoquait la protection sociale 1946, on est en 2016, finalement ça fait un certain nombre d'années qu'il y a cette protection sociale, que c'était un projet de société, et qu'un certain nombre de gens s'acharnent à déconstruire progressivement. Et donc, à partir de ce moment-là, la posture qu'on peut avoir vis-à-vis des revenus de base, c'est une posture, on va dire, bienveillante, un peu celle qu'évoque peut-être Pascal Branchu. Et puis, il y a des postures un peu moins bienveillantes. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut faire aussi des distinguos. Donc, Dieu est toujours ou le diable sont toujours dans les détails. Et donc, il faut toujours un peu examiner ça de près. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ambiguïté autour de cette question du revenu de base. Bon, par exemple, une des proposition qu'a évoqué Pascal Branchu qui peut poser problème, c'est la question de la fin du travail, par exemple. Quand il évoquait Bernard Stiegler, par exemple, disant, voilà, dans je sais plus combien, un certain nombre d'années, il y aura 50% des métiers qui n'existeront plus. Bon, certes, mais peut-être y en aura-t-il d'autres, puisque c'est à peu près les mêmes propos qu'on retrouve systématiquement à chaque révolution technique ou technologique. On a toujours prédit la fin du travail quasiment depuis la fin du 19e siècle. Donc là aussi, il faut rester peut-être assez prudent, bien qu'il y ait des évolutions actuelles qui laissent penser que les choses ont peut-être évolué un petit peu plus dans ce sens-là. Oui, en effet. Didier Gaillard, on découvre, on voit qu'il y a donc de nombreux projets possibles, différents, des thèses plus libérales que d'autres. Est-ce que vous, avec Force Ouvrière, vous vous opposez à tout principe de verser un revenu qui serait fixe à toute personne, ou vous pensez qu'il peut y avoir un projet qui serait positif ? Alors effectivement, je suis face à Pascal Branchu et à Yves Renaud qui ont la prudence de dire que ce qu'on appelle soit le revenu de base, soit le revenu minimum universel est protéiforme. C'est même la langue selon Ésope, la meilleure, la pire des choses selon ce qu'on y met. Il n'empêche que, en fonction de ce caractère très très flou, très très indécis de ce qu'est la notion actuellement, ça nous amène effectivement à prononcer un certain nombre d'avertissements. Non pas parce qu'on détiendrait la vérité et qu'on descendrait doctement de notre chair pour dire tout ça, mais simplement parce que nous, on est une organisation syndicale. Je ne sais pas s'il travaillait mort. Ce que je sais, c'est que pour vivre matériellement sur cette planète, on est tous astreints, toutes astreints à une activité productive. Et le fait que ce qu'on appelle le revenu de base ou le revenu minimum universel découple les conditions d'existence de l'activité économique, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais ça nous inquiète vraiment parce que ça pourrait être générateur de catastrophes dont j'espère pouvoir dire quelques mois un peu plus tard. Là, je suis vraiment dans la présentation de notre position. Donc, je serais tenté de dire, sous un aspect séduisant, de forte générosité, on est dans le cas de figure où on aurait 1% de bonnes intentions qui seraient contrebalancées, je le crains, par 99% d'effets pervers. En tout cas, c'est là-dessus que je tâcherai de discuter avec les deux autres invités qui sont réunis avec moi autour de cette table. Eh ben, on aura l'occasion de le faire. Alors, exceptionnellement cette semaine, la chronique de Colin arrive très tôt dans l'émission puisque c'est le moment qui fonctionne le mieux pour la faire. Donc, Colin, qu'est-ce que tu vas nous dire? Merci beaucoup, Tanguy. Alors moi, donc, je disais, j'ai essayé de comprendre ce qu'était le revenu de base, parce que d'habitude, je m'intéresse au traitement médiatique un petit peu de ce qu'on étudie. Et ici, j'ai eu beaucoup plus de mal à le faire que d'habitude. Mais ce qui a relevé mon attention, ce que ça m'a inspiré. Cette idée du revenu de base, voilà ce que c'est. Alors le 19 avril dernier, dans une tribune postée sur Facebook, celui qui est encore notre Premier ministre, Manuel Valls, annonce le début d'un chantier sur le revenu universel, l'ouverture d'un grand débat démocratique autour de cette réforme qu'il présente comme la dernière réforme sociale majeure du quinquennat. Le tout dans une tribune vibrante, dénonçant le discours de la droite contre les assistés. Bref, un projet ambitieux à base de progrès et d'égalité sociale. Mais alors, Manuel Valls est-il soudainement devenu un socialiste pur et dur ? Enfin, Tanguy, n'importe quoi. Non, je nuancerai ce jugement pour plusieurs raisons. La première est liée au contexte dans lequel Manuel Valls ébauche cette proposition. Nous sommes effectivement en plein milieu, ou en tout cas au début des agitations liées à la loi travail, 30 jours avant un premier recours au 49-3 sur ce texte pas franchement socialiste. Rétrospectivement, voir que Manuel Valls voulait faire du revenu de base le grand projet de la dernière année du quinquennat, cela semble relever d'une certaine forme d'humour. Ensuite, la formulation choisie par l'ex-premier ministre, prête à confusion. Je cite « Ce chantier que nous ouvrons, dit-il, c'est bien celui du revenu universel. Pas une allocation versée à tous, y compris à ceux qui disposent de revenus suffisants, cela serait coûteux et n'aurait aucun sens, mais une allocation ciblée versée à tous ceux qui en ont besoin. Vous apprécierez ici le maniement de l'oxymore dans la proposition d'un revenu universel mais ciblé, ainsi que l'art d'enfoncer des portes ouvertes avec l'idée que les plus aisés n'ont pas besoin d'allocations supplémentaires. Oui, effectivement, Patrick Balkany n'est pas à 1000 euros près par mois, et on peut même se dire que ce sera toujours 1000 euros qui ne partiront pas au Panama, discrètement enterrés entre le cadavre de Michel Rocard et celui de la dignité de Jérôme Cahuzac. » Finalement, ce que semble proposer Manuel Valls, c'est surtout une réforme des minima sociaux déjà existants, comme le RSA, les allocations chômage, les aides au logement, qui sont supprimées pour être remplacées par un seul socle, le revenu de base. Plus que renforcée, la protection sociale déjà existante est surtout simplifiée. Bref, un revenu de base destiné surtout à limiter les dépenses publiques consacrées à la protection sociale peut être un projet plus austère qu'il n'y paraît. Cependant, Manuel Valls ne s'est pas vraiment prononcé sur la question, il a, dit-il, ouvert le débat. En effet, Tanguy, Valls ouvre le débat, débute un chantier, pose les jalons. Les métaphores qu'il emploie sont multiples. Quoi qu'il en soit, il n'y a en effet pas de véritable proposition concrète qui soit avancée ici par Manuel Valls. Pas d'hypothèse sur le mode de fonctionnement d'un revenu de base. Il veut simplement ouvrir le débat, ce qu'il affirme de nouveau sur France Info le lendemain. Non, il n'a pas promis de revenu de base, seulement d'ouvrir le débat. On est bien avancé. Mais le débat démocratique que Valls semble appeler de ses voeux a en fait déjà commencé. On peut le faire remonter notamment, par exemple, au 23 octobre 2015, quand le député Les Républicains Frédéric Lefebvre propose un amendement de la loi de finances 2016 pour la mise en place d'un revenu universel, je cite, « qui viendrait remplacer l'ensemble des aides sociales, le système actuel du revenu de solidarité active, de la prime pour l'emploi, des aides au logement et des exonérations de cotisations patronales ». En d'autres termes, merci pour cette ouverture de débat Manu, mais le revenu de base que tu sembles défendre a déjà été refusé par le Parlement 6 mois auparavant. Mais on peut remonter plus loin encore et je me risquerais à dire, comme bien d'autres avant moi, que le projet d'un revenu de base fête cette année ses 500 ans, après une première apparition en toile de fond dans L'Utopie de Thomas More, dont je vais essayer de vous lire quelques extraits avec un micro qui me plantait entre au milieu du visage. Alors, maintenant... Pensez à part vous que parmi ces ouvriers, il y a bien peu qui s'appliquent aux travaux nécessaires. Puisque nous mesurons tout à l'aune de l'argent, il s'ensuit nécessairement que soient exercés de nombreux métiers vains et totalement superflus, qui ne sont au service que du luxe et du plaisir. Or, si cette multitude qui maintenant se mêle de travailler était répartie et distribuée en aussi peu de travaux et métiers que l'usage commode de la nature le requiert, il s'ensuivrait nécessairement une grande abondance des choses et les ouvrages seraient à si petit prix que les ouvriers n'en sauraient vivre. Mais si tous ceux qui sont retenus par des métiers inutiles et non requis, et toute cette troupe que j'ai mentionnée qui vit sans rien faire et dont l'un dépense plus que deux qui travaillent, étaient universellement mis à faire œuvre utile, vous pourriez voir facilement qu'un bien petit temps de travail serait suffisant, et même plus que surabondant pour procurer toutes ces choses nécessaires et commodes à l'usage humain, et même encore les plaisirs qui sont honnêtes. Mais ce n'est pas vraiment du revenu de base dont il est question ici. En effet, Tanguy, avant d'en arriver à la proposition d'un revenu de base ou d'un revenu universel, Thomas More passe par le projet d'une meilleure répartition du temps de travail. More propose tout de même, en 1516, une journée de 6 heures de travail, ce qui permettrait finalement la création d'une richesse plus efficace et éradiquerait peut-être le problème du chômage et donc une précarisation de toute une frange de la société, si on le suit en tout cas. Je poursuis. Toutes les cités sont divisées en 4 parties égales. Au milieu de chaque partie est établi le marché de toutes choses. En ce lieu, dans certaines maisons, sont portés les ouvrages de chaque famille et toutes les espèces des 10 ouvrages sont séparées l'une de l'autre et mises dans des greniers. Lorsqu'un père de famille a besoin pour lui ou pour les siens de tel ou tel produit, il les demande et les emporte sans argent ou gage. Car pourquoi refuserait-on quelque chose vu que tout y abonde et qu'on ne craint pas que quelqu'un veuille demander plus qu'il n'a besoin ? Pourquoi, en effet, penserait-on qu'un homme demanda plus qu'il ne lui faudrait, considérer qu'il est certain et assuré qu'il n'aura jamais défaut de rien ? Le revenu de base apparaît ici en creux, dans l'idée selon laquelle une société, si elle ne manque de rien, peut permettre une solidarité à grande échelle, où tous les hommes se partagent les richesses et se libèrent de leur travail. La société utopienne est une société de l'abondance, qui ne manque de rien, du fait de la division vraiment efficace du travail, ce qui permet de créer un lien social, un lien de solidarité entre les individus, le but finalement, un des buts du revenu de base, du revenu universel. Alors bien sûr, il faut lire Thomas More avec du recul, le mode de société qu'il développe est très ironique et peut-être irréalisable sur de nombreux points, mais c'est à mon avis une belle façon d'ouvrir le débat sur le revenu universel, comme dirait l'autre. Alors, Pascal Brancheux, selon vous, est-ce que vraiment le revenu de base doit remplacer le système de protection sociale comme semble l'avoir proposé Manuel Valls et l'a proposé véritablement Frédéric Lefebvre l'année dernière, ou est-ce qu'il s'agit vraiment de compléter le système de protection sociale tel qu'il existe actuellement ? Alors le projet qui est inscrit d'ailleurs dans la charte, c'est de proposer la refondation en fait. En utilisant le revenu de base comme un nouveau pilier de la protection sociale, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur une société qui a muté autant économique, sociale, familiale, industrielle même. On voit bien aujourd'hui, ça fait quand même 100 ans que les syndicats et les travailleurs se mobilisent pour que le travail soit moins dangereux, soit moins pénible. Il y a l'automatisation qui est venue et en fait, on produit beaucoup plus avec moins de personnes salariées aujourd'hui. Donc, ce qui fait un problème, puisque l'assiette de cotisation issue de 45 n'est plus la même, hein, donc il faut suivre. Et il y a des mesurettes comme ça qui arrivent, avec aussi un contexte où il y a quand même beaucoup d'exonérations patronales pour favoriser l'emploi, qui grèvent aussi cette assiette. Donc il y a un phénomène, hein. C'est pas une critique, c'est un constat. Donc on se dit, faudrait peut-être à un moment donné arriver à taxer les robots, hein, puisque du coup... comment on recueille les cotisations, comment on peut avancer. Il faut aussi penser aussi quelque part à la répartition des richesses. À un moment donné, est-ce que c'est normal que dans l'entreprise, on parle de Renault, hein, où quelqu'un qui travaille à temps partiel est sous le seuil de pauvreté, et le patron il gagne plus de 1162 SMIC, je crois. Voilà. Est-ce qu'on est dans quelque chose de moral ou pas? Et si on parle de revenu de base, ça serait intéressant d'aborder la question du revenu maximum. Voilà. À un moment donné, est-ce que c'est décent de ces choses-là? Et je vais reprendre un petit peu le projet de Baptiste Miondo, qui justement a une proposition très intéressante sur l'impôt progressif. Donc en 2018, normalement l'impôt à la source, dès le premier euro, voilà. Et il propose que lui, à partir de 4 revenus de base, donc on serait aujourd'hui sur un revenu de base à peu près à 1 000 euros, hein, 60% du revenu médian, donc 1 008 euros. Et à partir de 4 revenus de base, il y aura un impôt progressif qui se mettra en place. Et plus on gagne, plus le taux d'imposition est fort. Et on est comme ça sur un système de redistribution des richesses qui n'est pas immoral. Hein. À un moment donné, il faut aussi celui qui veut gagner plus, pour travailler plus pour gagner plus. Bon, on a entendu ça à un moment donné. Mais il ne faut pas qu'il y ait un impact social sur les autres. Voilà. À un moment donné, la répartition des richesses à l'intérieur de l'entreprise, c'est aussi sain que dans la société. Alors je me tourne vers vous maintenant, Michel Renaud, et puis je te rendrai le micro ensuite, Tanguy. Thomas More semble proposer aussi, en aval de ce projet d'un revenu de base, aussi une diminution du temps de travail, une meilleure répartition du temps de travail. C'est une proposition aussi qu'on peut retrouver chez certains candidats. Je pense notamment à Benoît Hamon qui propose à la fois cette diminution du temps de travail, la semaine à 32 heures, et le revenu de base. Est-ce que ce sont deux réformes qui sont sœurs, qui agissent en même temps, ou est-ce que ce sont deux projets complètement différents selon vous? Alors c'est difficile à dire si elles sont sœurs ou pas. Simplement, effectivement, ce que disait Thomas More et ce que reprennent certaines propositions, c'est quelque chose qui est un peu disqualifié aujourd'hui, c'est-à-dire la diminution du temps de travail, ce qui est un peu étonnant, parce que quand on regarde là aussi en longue période d'un point de vue historique, bon, une grande partie des gains de productivité, en fait, ont été redistribués sous la forme de diminution du temps de travail, qui chose qui a été plus ou moins abandonnée et disqualifiée finalement ces dernières années, avec, dans un contexte finalement de relative stagnation des gains de productivité, contrairement à ce qu'on croit, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a l'impression de gains de productivité énormes sur les dernières années, ce qui est faux. Il y a une relative stagnation des gains de productivité sur les dernières années. Donc ça pose un certain nombre de questions. Alors, pour certains, ce serait une forme d'alternative, c'est-à-dire que la diminution du temps de travail pourrait constituer une alternative au revenu de base. C'est-à-dire, puisqu'à ce moment-là, la question, par exemple, si on admet que l'emploi disparaît ou tente à diminuer ou à se restreindre, ben à ce moment-là, la diminution du temps de travail, un nouveau partage du temps de travail pourrait résoudre ce problème-là. Mais en filigrane aussi des propos qu'évoquait Pascal Branchu là, par rapport à la sécurité sociale, il y a quand même des faits stylisés qui sont assez lourds et qui méritent quand même d'être rappelés. C'est une question assez basique et que curieusement, je trouve, on oublie assez souvent dans les débats, en particulier débats économiques. C'est le partage de la valeur ajoutée. Parce que quand on regarde, c'est-à-dire la richesse qui est créée tous les ans par une économie, ce qui constitue finalement le produit intérieur brut qui va être redistribué entre les salaires, les profits et puis l'État, pour faire très simple, via les impôts. Or, quand on regarde depuis les années 80, alors ça varie un peu suivant les pays, la datation, mais bon, disons depuis les années 80, le début des années 80, le partage salaire-profit ne cesse de se déformer au détriment des salaires et donc au profit des profits, et en particulier des dividendes. Et donc à partir de ce moment-là, il est à peu près évident qu'un système de protection sociale qui est fondé, on va dire, sur les salaires, cotisations patronales et cotisations des salariés, ben, ne peut pas tenir le coup face à cette diminution constante de l'assiette. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'il faut s'interroger forcément sur une refondation? Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas forcément hostile, je ne suis pas opposé au revenu de base, mais il faut aussi regarder, me semble-t-il, les conditions du rapport de force entre, par exemple, le patronat et les syndicats, pour faire très simple, ou les salariés et puis les entreprises d'un côté, et se demander s'il n'y a pas des possibilités, bon, certes peut-être de faire un revenu de base, mais aussi de modifier ou d'infléchir le partage de la valeur ajoutée et de renverser ou de modifier les rapports de force existants actuellement. Parce qu'on voit bien aussi que dans un certain nombre de cas et ce qu'on a appelé l'ubérisation de l'économie ou des modèles comme Deliveroo, bon, bah, sont aussi des façons de encore déformer le partage salaire-profit. Et si j'avais une minute, je pourrais vous expliquer comment, d'un point de vue de la théorie économique, hein, avoir un salaire fixe négatif, c'est quelque chose qui produit des incitations au travail. Donc voilà, bon, à partir de ce moment-là, on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de salariés, bon, sont obligés finalement, c'est le modèle de Deliveroo, vous êtes obligé de fournir le vélo, voire le scooter, etc., pour commencer à travailler pour ce type d'entreprise. Donc voilà, donc on est, faut aussi se poser, me semble-t-il, un certain nombre de questions peut-être assez basiques avant peut-être d'imaginer des solutions très, très compliquées sans doute. C'est ça, Didier Gaillard de Force Ouvrière, vous pensez qu'il y a plutôt un combat sur les conditions de travail, sur la protection sociale actuelle, plutôt que d'aller jusqu'à l'instauration d'un revenu de base, il faut plutôt commencer par ce combat-là ? Alors effectivement, c'est la grande question, c'est comment est-ce qu'on finance la protection sociale et j'ai envie de dire tout le bien-être, le welfare, dans la société qu'on veut. Est-ce qu'on la finance par la fiscalisation ou est-ce qu'on... On revient aux fondamentaux et est-ce qu'on la finance par la cotisation, comme c'était effectivement dans le cadre du programme du Conseil national de la résistance. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la chronique. Elle était piquante et elle disait des choses fort justes. Et parmi les choses fort justes, il y a le fait que ce qui sort, et c'était effectivement dans les cartons du désormais ex-premier ministre Manuel Valls, ce qui sort sur le revenu de base... est pratiquement concomitant, ou c'est la suite logique de ce qui a été instauré avec la sinistre loi travail, dont, entre parenthèses, à Force Ouvrière, on continue à demander l'abrogation. Donc je vous remercie de m'avoir donné une occasion de le dire. Pourquoi ? Parce que cette loi travail, mais aussi la loi Macron, mais aussi... toutes les politiques d'exonération, c'est marrant, je pensais être le seul à parler des exonérations de cotisations sur la part patronale qui a été instaurée en 1978. Toutes ces exonérations qui ont été transférées sur une fiscalisation en 88 sous la mandature de Michel Rocard. Donc toutes ces politiques d'exonération de cotisations patronales, et là j'aurais une petite incise à faire sur le fait qu'ils appellent ça des charges et puis qu'ils disent qu'ils sont spoliés, mais j'y reviendrai dans 30 secondes. Donc tout ça, effectivement, vient de manière très concomitante avec les projets qui sont socialement régressifs, que sont la loi Macron, la loi Rebsamen sur les représentations des salariés dans les entreprises, la loi travail, et avec effectivement ce basculement de l'économie vers ce qu'on appelle l'économie du partage, collaborative, qui sont de beaux mots, mais qui effectivement, comme le disait Michel Renaud, recouvrent des réalités pas du tout brillantes. Alors simplement, sur ces politiques d'exonération des patrons, ça a commencé timidement en 1978, et puis c'est par dizaines de milliards chaque année. Chaque année, le pacte de responsabilité, c'est à coup de dizaines de milliards économisés sur l'argent public, sur les collectivités territoriales. Le crédit impôt compétitivité pour l'emploi, ce sont des sommes reversées aux entreprises en pure perte et sans création d'emplois. Et tout ça, effectivement, c'est comme si nos gouvernants se rendaient compte des dégâts incommensurables qu'ils sont en train de faire et se disent « Ouh, il va falloir qu'on mette un pansement sur la jambe de bois. Là, c'est plus possible, sinon ça va nous péter au nez. » Et donc, ce pansement, il s'appelle « revenu universel ». Et il va permettre allez-y. 30 secondes hein, et je pense qu'il va permettre, je parlais tout à l'heure à Pascal Banchu de 99% d'effets pervers, c'est pas tourné contre lui bien évidemment, mais si je suis salarié pauvre et que je cumule mon revenu de base avec avec un emploi salarié et que mon patron me dit la chose suivante, écoutez, je vous employais à plein temps, mais c'est pas grave, je vais vous prendre à temps partiel, puisque de toute façon, vous avez le parachute, c'est pas le golden parachute, hein, celui-là, vous avez le parachute du revenu de base, c'est pas grave, vous êtes pas à la rue. Si mon patron décide un plan social, bon, vous savez que dans le cadre de la loi travail, tout ça est nettement plus facile pour lui, il a plus à justifier de rien. Nous, les organisations syndicales, ça devient de plus en plus dur pour nous devant les prud'hommes. Si mon patron me dit « Ah, il y a un plan social, mais c'est pas grave, t'es pas tout seul, t'as le revenu de base. » Si mon patron me dit « Ah, tu veux pas travailler le dimanche, pourtant la loi Macron t'y incite fortement, c'est pas grave. On va peut-être les. Hein voilà, ouais, c'est donc, Pascal Brochu, justement, qui voulait réagir. Excusez-moi, et je terminerai en disant c'est James Bond, c'est permis de tuer. Et revenu de base ou revenu universel, c'est permis de virer. Alors justement, peut-être qu'il y aura une autre vision du travail qui sera différente. Peut-être Pascal Branchu, le rapport au travail sera plus le même. Bonne transition, puisque autant le revenu de base est protéiforme, le mot travail l'est aussi. On parle d'une salle de travail par rapport à la maternité. On dit « t'as bien travaillé à l'école, mon fils, aujourd'hui ». Et puis on dit nous-mêmes « j'ai bien travaillé dans mon jardin, aujourd'hui ». Donc de quel travail on parle ? Je vous recommande la pièce de théâtre de Dominique Roncevaux, « Éloge de l'oisiveté », qui fait une super définition du mot travail. Et donc c'est vrai que aujourd'hui le travail alimentaire, le travail étudiant, les bullshit, hein, les boulots de merde, excusez-moi du mot, mais c'est ça aussi, on questionne ça. C'est-à-dire que quand Bernard Stiegler dit dans moins de 20 ans 50% des emplois aujourd'hui vont disparaître, c'est ces boulots là en fait qui vont sauter, et il y aura d'autres métiers à venir. Mais pourquoi? Parce que si j'ai un revenu de base, est-ce que je vais travailler à temps plein? Donc à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, ça veut dire que si j'ai un revenu de base, est-ce que je vais faire un boulot étudiant qui va peut-être me mettre en danger pendant les études? Est-ce que si j'ai un revenu de base, j'ai pas un pouvoir de négociation plus fort avec le patron, individuel et collectif? C'est toutes ces questions-là qu'on pose avec le revenu de base. Donc il y a deux manières de voir les choses, bien entendu. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, le pansement sur la jambe de bois, il existe déjà. Aujourd'hui, le travail seul ne suffit plus à répondre à ses besoins de logement, de transport, de santé. On le voit bien. Donc il y a plusieurs pansements qui existent. Nous, on est pour un nouveau pivot de la protection sociale. Ça veut dire, à un moment donné, il faut harmoniser aussi les fonds publics. Il faut aussi dire il y a des choses qui servent à rien. On fait des formations pour faire baisser les statistiques du chômage. On fait des aides à l'emploi, mais qui ne marchent pas. 32 milliards, ils ont reçu dernièrement, zéro emploi créé. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on repense un petit peu ce système-là? Aujourd'hui, le RSA coûte autant, sinon plus, en contrôle et gestion que ce que touchent les bénéficiaires. Donc à un moment donné, il faut aussi se dire, il faut arrêter ce système-là qui fait qu'il y a du non-recours en France aujourd'hui. C'est une question qu'on parle. On stigmatise beaucoup les bénéficiaires du RSA qui, soi-disant, sont fraudeurs, 60 millions par an. Donc 80% sont récupérés parce que difficulté de l'Internet, difficulté à des erreurs, etc. Et on ne parle pas du non-recours aujourd'hui, 5 milliards, 3 par an. On n'est pas dans le même chef. Et on va mettre le spot sur quelques personnes qui ne sont pas mal intentionnées, hein, faut pas croire. Aujourd'hui, on est sur une sophistication de la protection sociale où justement les gens, ils ne sollicitent pas des droits sur lesquels ils pourraient faire valoir parce que c'est compliqué, parce qu'on est fliqué et parce qu'ils n'ont même pas l'information. On est inondé d'informations. Donc nous, ce qu'on propose, c'est en simplifiant une partie de la protection sociale, donc on s'adapte, on facilite, on évite le contrôle, le flicage, et on redonne un nouveau sens de travail pour les personnes qui aujourd'hui contrôlent et gèrent des choses. Ça pourrait être simplifié, quoi. Et donc du coup, je pense par exemple aux travailleurs sociaux aujourd'hui, bah, ils sont agents de recrutement pour EDF, pour Veolia, enfin, ils ont autre chose à faire, quoi. À un moment donné, c'est remettre du sens à ça. Et localement, parce qu'à un moment donné, on parle du revenu de base, nous on aimerait bien le faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des imaginaires, il y a des peurs, il y a des représentations sociales, et il n'y a pas mieux que d'objectiver les choses en expérimentant réellement le revenu de base. Donc là c'est un côté intéressant de notre présence ce soir, c'est il y a deux expérimentations actuellement en France, il y en a une département de la Gironde et une dans la région Nouvelle-Aquitaine, il y a eu fusion, mais c'est des expérimentations théoriques, c'est des cabinets qui bossent sur des statistiques économiques, sociales, etc. Nous, depuis plus de 2 ans, on rencontre les parlementaires. Donc là, pour l'instant, c'est le PS qui est là. Donc on a été voir les députés sénateurs PS plusieurs fois. On a rencontré le département et on leur propose une expérimentation concrète, même avec des clés de réponse, puisqu'on a rencontré les eurodéputés et on pourrait solliciter le FSE et le FEDER pour financer les expérimentations. Ça veut dire qu'à blanc, sans changer le système, on expérimente sur un territoire donné, avec une population donnée, une durée, des indicateurs de départ, et on voit les effets dans un territoire. Puisque là, c'est ça qui est important aujourd'hui. On a des zones, donc on a proposé 2 zones à l'époque, qui étaient Rimoux, qui est une petite commune entre Combourg et Fougères. C'est ce qu'on appelle une zone blanche fiscale. C'est une zone où il y a le plus de familles non imposables. Voilà. C'est pas un hasard. S'il y a une antenne d'ATD Carmonde dans cette zone-là, c'est la seule antenne d'ATD Carmonde qui n'est pas en milieu urbain. C'est pas rien. Voilà. C'est ce qu'on appelle une zone rurale marquée. Et on a proposé à notre territoire d'expérimentation, qui est la Morinée à Saint-Jacques. Saint-Jacques-de-la-Lande, une zone urbaine très marquée. Je ne sais pas si vous avez vu le West France d'avant-hier, il y avait un gros travail sur la pauvreté. Et Saint-Jacques-de-la-Lande est la commune hors Rennes, dans toute la métropole, qui est un territoire marqué. Voilà. Donc à un moment donné, il faut trouver des populations sur lesquelles ça soit objectivé et puis visible, pour peut-être après en tirer les conclusions et, à travers ce qu'on appelle le débat national, puisqu'aujourd'hui, dans la 5e Constitution, c'est ça, c'est-à-dire sénateurs et députés qui vont définir, qui vont voir un petit peu ce qu'on met dedans. Donc, du coup, on va arriver à un niveau du revenu de base. Et puis, les financements, qu'est-ce qu'on met dedans? Parce que c'est vrai que si j'ai un revenu de base, aujourd'hui, le congé parental d'éducation, pas forcément obligatoire. Donc, il y a des sources comme ça de simplification. Est-ce qu'on met les prestations familiales ou pas? Nous, on ne dit pas que c'est bien ou c'est pas bien. Nous, on dit, à un moment donné, il faut repenser le modèle de société parce que c'est plus la même que 45. Tout le monde s'en rend compte. Donc après, on l'a bien vu avec les mutations familiales également. Donc à un moment donné, il faut prendre le temps. Et nous, on pense que le revenu de base, il doit être par palier. Parce que le revenu de base, il passe aussi par une grosse réforme fiscale qui justement touchera les exonérations fiscales, les évasions fiscales. À un moment donné, il faut poser ces questions-là, avoir le courage politique, parce que le revenu de base, c'est un projet social et politique. Alors, sur l'expérimentation, est-ce que expérimenter à une échelle locale, peut-être me tourner vers vous, Michel Renaud, est-ce que ça peut vraiment nous donner des idées de ce que pourrait donner un revenu de base au niveau national? Je dis ça justement parce que le Sénat, vous deviez être content, Mouvement français pour un revenu de base, a proposé justement cette expérimentation dans certaines régions volontaires, dans des territoires volontaires. C'était le 19 octobre dernier dans un rapport. Alors justement, est-ce qu'à un niveau local, on peut se rendre compte à peu près des conséquences de l'instauration d'un tel système? Alors ça, c'est une question un peu complexe et difficile d'y répondre, parce que ça dépend ce qu'on met aussi derrière le terme expérimentation. Est-ce que c'est un terme de nature scientifique? À ce moment-là, il faut déterminer des conditions d'expérimentation qui soient relativement claires. Bon, en économie, il y a des méthodes de ce type-là qui sont un peu utilisées, par exemple, par des gens comme Esther Duflo, ce qu'on appelle la méthode des essais randomisés contrôlés, ou un peu qui sont calquées un peu sur des méthodologies utilisées en médecine, par exemple. Bon, voilà. Après, bon, je sais pas s'il faut détailler et rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est d'avoir un groupe témoin et puis un groupe sur lequel on va procéder à des modifications pour avoir un véritable différentiel. Donc là, on peut dire que c'est une forme d'expérimentation scientifique. Après, est-ce que c'est ça qu'on vise les tenants du revenu de base pour ces expérimentations? Moi, je sais pas, je maîtrise pas cet aspect-là de l'agenda. Simplement, ce qui est toujours difficile à voir sur un certain nombre de populations, c'est comment on va pouvoir inférer à partir d'un échantillon relativement restreint d'une population, par exemple la population de Rimou là, qui était évoquée, une zone blanche fiscale, comment on va pouvoir inférer à partir d'expérimentations sur une population relativement restreinte quelque chose qui toucherait un système plus important, par exemple une généralisation au niveau d'une région ou d'un pays. Donc ça me pose un certain nombre de questions. J'ai pas de réponse stricte oui ou non, mais ça me pose un certain nombre de questions. Bon. Juste une petite réaction. Il faut savoir qu'en Ille-et-Vilaine, le revenu minimum social a été expérimenté en Ille-et-Vilaine dans les années 80, c'est devenu le RMI puis le RSA. Ça veut dire que l'Ille-et-Vilaine est déjà une terre d'expérimentation. Et le côté intéressant de s'intéresser au monde rural, c'est aussi le revenu de base agricole. Essayer de réfléchir, si on remet de l'économie dans le monde rural, le bouleversement qu'on va avoir, et on va peut-être réussir à inverser la métropolisation et ce genre de choses-là. Et alors Didier Gaillard, sur cette expérimentation, vous, Force Ouvrière, encore une fois, a un peu pris position contre une expérimentation, comme quoi ça n'allait pas forcément être utile. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêcherait de tester justement ce système? Oui, parce que pour nous, ça représente ce qui pour nous est une destruction de l'égalité des droits des citoyens, c'est-à-dire la République des territoires. Hein, ça s'est grandement accéléré sous l'actuel quinquennat, mais c'était déjà en germe depuis plus longtemps sous d'autres pouvoirs, d'autres couleurs politiques. Et à partir du moment où effectivement chaque collectivité définit localement quel est le droit en matière de protection sociale, ou ça peut être différent d'une collectivité territoriale à l'autre. Nous, on dit il y a rupture de l'égalité des citoyens entre eux. La République n'est plus une indivisible, comme le proclamait la Constitution de la 5e République jusqu'à une date récente, hein, et jusqu'à ce que ce terme-là soit modifié. Donc, effectivement, dans expérimentation, bien évidemment, le caractère scientifique ici me paraît difficile à invoquer. En revanche, des des tentatives de d'apprentis sorciers qui seraient destinées, parce que justement ça permet d'économiser 3 francs 6 sous ou quelques milliards sur la protection sociale, et qui se généraliseraient au motif que ça permet de gagner du fric sur ceux qui ont besoin de cet argent. Il est bien évident que nous, on a toutes les raisons de nous y opposer. Et du coup, alors, pour revenir dans une approche un peu plus concrète, juste tout à l'heure, dans votre, Pascal Branchu, dans votre intervention, vous parliez du coup des sales boulots. Alors, la question qui se pose souvent quand on parle du revenu de base et tout, c'est justement que vont devenir ces boulots qui sont peut-être ingrats à réaliser. On parle très souvent des éboueurs, par exemple, qui n'est pas un métier facile, qui n'est pas un métier. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer dans une société justement où on touche de l'argent, qui pourrait faire ces métiers? Voilà, Pascal Branchu, est-ce que vous avez réfléchi sur les métiers dangereux, les métiers décalés avec des horaires, hein, la pénibilité, il y a différents critères. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec un revenu de base, on aurait un pouvoir de négociation plus fort, et ces métiers-là, je pense qu'ils seraient payés à plus juste hauteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des métiers qui sont dits intellectuels, et il y a un complet décalage avec le service rendu à la société. Voilà. Donc c'est cette idée-là. C'est pas une remise en cause, hein, du travail. Nous, on est plutôt sur l'approche de progrès social que pourrait amener le revenu de base. Et j'ai un tract d'Attaque allemande qui soutient beaucoup ça, comme Allemagne, Belgique ou Autriche, puisque le revenu de base, il y a une association française, bon, en français revenu de base, il y a une association européenne, l'UBI, et une association mondiale qui s'appelle Le Bien. Et il y a eu de multiples expérimentations sur toute la planète. Il y en a une qui a commencé au Kenya au mois d'août et une à Utrecht aux Pays-Bas. Sachant qu'aux Pays-Bas, ils ont l'intelligence de développer 4 expérimentations différentes dans 4 villes différentes. Donc du coup, la recherche, tout à l'heure on disait qu'on en parle, il y a un livre blanc qui a été fait sur un travail universitaire sur les outils et les modes de financement qui est très utile, je vous le recommande. Il va y avoir 2 autres livres qui vont sortir de manière collaborative au printemps, dont un chez Actes Sud. Et c'est vrai que nous, notre hâte, c'est justement de rencontrer les syndicats et des entreprises aussi. Parce que j'ai en mémoire Pocheco, qui est l'entreprise du nord de la France, qui fait des enveloppes. C'est Emmanuel Druon, qui travaille de manière collaborative et de manière circulaire. Et il a mis une valeur ajoutée dans le travail en repensant tout le déroulé de l'entreprise et le parcours des salariés, où en fait, il n'y a pas d'actionnaire. Tout l'argent retourne dans l'investissement et dans le partage auprès des salariés. Et pour donner un exemple, la dernière trouvaille qu'il a fait, donc il y avait panneaux photovoltaïques sur le toit, il a acheté 40 véhicules parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait 120 véhicules. C'est une entreprise qui ne peut pas s'arrêter, les 3-8. Et donc il s'est rendu compte qu'avec les véhicules, etc., il ne pouvait pas augmenter au-delà les employés. Lui-même a un salaire qui va de 1 à 4, hein, par rapport au plus bas, donc c'est des choses mesurées. Et en fait, il confie le véhicule à celui qui habite le plus loin. Il y a une espèce de covoiturage intelligent qui se fait. Et les voitures se chargent directement sur place avec les panneaux solaires quand ils travaillent, quoi. Et donc là, il est arrivé à calculer qu'il avait augmenté de 500 euros brut la personne qui avait le véhicule, entre les transports, la mécanique, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a des nouvelles solutions à dépister dans le monde du travail et autour. Parce que c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que tout le monde ne peut pas travailler. Donc faut en avoir conscience. Et aujourd'hui, la mutation du travail, elle est de dire, on s'est battu pendant 100 ans pour se libérer du travail, le tripalium, hein, voilà. Mais derrière, il y a des boulots qui sont subis et pas choisis. Parce que j'ai une situation précaire, je prends un boulot alimentaire et je reste dedans, j'ai pas de formation. On n'est pas bien, puis ouais. Un jour, au bout de 40 ans, je change de métier. Voilà. Alors, justement, Didier Gaillard, sur cette valorisation du métier, vous y croyez pas? Alors, sur les métiers, effectivement, qui sont peu attractifs, ça, c'est pas trop là-dessus pour l'instant que je voudrais rebondir. Mais j'ai entendu Pascal Branchu dire à 2 reprises qu'un revenu de base permettrait d'être en position de force, effectivement, dans les relations au travail. Alors ça m'interpelle, et j'ai envie de dire à partir de combien on est en position de force. Je ne sache pas, j'ai pas entendu dire que le revenu de base, ça serait quelque chose du genre 6000 euros, parce que là, on sera en position de force pour dire au patron, ah bah tu veux pas augmenter les salaires, d'accord, bon, travaille tout seul, et puis on va voir le résultat. D'autant plus que, bon, même si je suis pas économiste, j'ai très peur de l'effet de bulle d'un revenu de base qui permettrait à tout un chacun d'accéder au luxe. Ça créerait un sacré, appelons ça un foutoir. Mais position de force. Donc avec combien? Avec 400. Si on dit au patron, oh, fais gaffe. Hein, si je m'en vais, tu vas te retrouver mal. Bon, on va revenir piteusement au bout de deux jours, et c'est lui qui aura effectivement remporté, de mon point de vue, le rapport de force. Et puis, j'ai pas envie de laisser Pascal Branchu dire ça. Le rapport de force, c'est un peu notre. Je défends pas un précaré, mais historiquement, ce sont les organisations syndicales qui ont permis de l'établir. Et si on doit établir le rapport de force, c'est pas avec un revenu de base, mais c'est avec une caisse de solidarité, un fonds de grève que les organisations syndicales ont patiemment constitué et qu'elles peuvent reverser aux salariés qui sont en grève. Donc j'y vois là quelque chose qui serait de nature à détruire totalement le syndicalisme. Et une démocratie où le syndicalisme deviendrait totalement obsolète parce que il serait remplacé par une assistance qui relève de mon point de vue de la charité d'État, hein, je le dis, si on fiscalise l'aide sociale, c'est au bon vouloir du pouvoir politique qui détient les rênes de l'État. À mon avis, c'est une dimension qui n'a pas été prise en compte dans la promotion du revenu minimum universel, du revenu de base. Il y a des gens qui seraient peut-être moins favorables que d'autres au fait que cette je l'appellerais solidarité serait donc plus ou moins favorable à tous les salariés, tous les citoyens, si j'élargis. Et puis il y a une dernière chose, moi je vous dis, bon, je viens en tant que syndicaliste, je parle des salariés. Mais si je suis citoyen et que je perçois un revenu de base, que je suis exclu de fait de l'activité productive, mais qu'on me dit bon, t'as moyen de vivoter jusqu'à la fin de ta vie comme ça, qu'est-ce que je suis socialement? Je suis assigné à la consommation? Personnellement, j'y vois pas là un projet de vie très enthousiasmant. On va peut-être pas pouvoir rebondir tout de suite, mais on va juste passer au reportage de Clément, puisque l'heure tourne encore une fois. Prends un autre micro, Clément, qu'on t'entende bien. Alors, donc, tu es allé rencontrer les jeunes républicains pour avoir un peu plus un aspect politique sur la question du revenu de base. Voilà, j'ai pu rencontrer Jonathan pendant quelques minutes, et j'ai pu lui poser deux questions. Et la première, c'est, vu les expérimentations qu'il y a dans les différents pays, comme la Finlande en premier lieu, quelle est la position de son parti sur cette question ? Alors, les jeunes républicains ne seraient pas favorables à ce revenu de base, même s'ils trouvent qu'y réfléchir peut être intéressant. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà un État surendetté. Donc, nous avons le problème de la dette en France, et que ce revenu de base aura un coût exorbitant pour le pays, puisque si on met un revenu de base, on va dire, à 1000 euros par mois, ce qui permettrait à ceux qui ne travaillent pas d'avoir un niveau de vie qui permet de s'en sortir à minima, donc ça coûterait 600 milliards d'euros par an à l'État, ce qui est exorbitant. Et qui ne ferait qu'alourdir notre dette. Donc nous, les jeunes républicains, donc avec le candidat François Fillon, on propose, parce que c'est vrai que le revenu de base a cet avantage, il est fait pour simplifier les choses, pour faire que toutes les aides sociales fusionnent et que du coup ça puisse simplifier l'administration, ça puisse avoir des bénéfices en termes de coûts, en termes de charges sur l'État. Donc François Fillon lui propose plutôt une allocation sociale unique, qui est donc la fusion du RSA, des aides pour le logement, des allocations spécifiques de solidarité et de la prime d'activité, pour que donc toutes ces aides fusionnent, que ça soit géré par une seule administration, et que cette administration se base sur les revenus du foyer fiscal. Donc qu'elle ait connaissance de chaque foyer fiscal français, et qu'elle puisse, en fonction de cela, verser des aides. Et c'est aussi pour faire que du coup les revenus du travail soient toujours supérieurs aux revenus de l'assistance. Donc faire vraiment que le travail soit valorisé en France et que du coup, quelqu'un qui ne travaille pas ne puisse jamais gagner plus que quelqu'un qui travaille en France. D'accord. Alors ensuite, deuxième et dernière question du coup, je lui ai demandé si la mise en place de ce revenu de base, aussi bien en France qu'en Europe, voire au niveau mondial, ferait en sorte qu'il y ait un bouleversement de cette économie mondiale dans laquelle on vit actuellement. Ah si, complètement. Puisque le revenu de base, le premier problème en fait, ça serait de, comme on a fait les 35 heures en France, c'est de considérer que la France vit dans une petite bulle et que du coup, on peut moins travailler en France, on peut avoir davantage de loisirs, etc. Ce qui est très bien, sauf qu'on ne peut pas être le seul pays au monde à moins travailler sans considérer qu'on vit entouré de d'autres économies qui, elles, continuent à travailler plus et qu'elles sont plus compétitives et que du coup, les entreprises vont davantage aller dans ces pays. Donc, ce que tu disais à propos de ça, donc si l'Europe met un revenu de base partout et que du coup, les conditions, c'est les mêmes sur tout le continent, enfin sur toute la zone euro, bah, dans ce cas, la France devra éventuellement réviser sa position pour s'adapter. En fait, c'est ça, c'est considérer que la France n'est pas seule et que du coup, elle doit voir aussi ce qui se fait dans les pays qui l'entourent pour rester compétitive et attirer des entreprises et produire et du coup créer des emplois, etc. Alors, à partir de cette réponse, j'ai une question à poser à nos invités. Est-ce que vous pensez que si le revenu de base devrait être en place un jour, est-ce qu'il faudrait qu'il soit mis en place au moins au niveau européen, pas uniquement au niveau français ? Pascal Branchu. Alors bon, j'ai répondu tout à l'heure sur la question syndicale, c'est intéressant. Alors sur l'Europe, ce qu'on a proposé dernièrement, on a fait un débat avec des eurodéputés, et ce qu'on leur a dit, il faut saisir le Brexit pour enfin faire une Europe sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que aujourd'hui c'est une Europe économique. On parle du CETA, du TAFTA, le CITA, enfin l'attaque aux services publics. Il y a l'APE aussi avec l'Afrique, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur des questions. On peut même plus le dire les multinationales. On peut dire c'est les grands marchés boursiers qui s'emparent un petit peu des gouvernances. Hein. C'est l'exemple du TAFTA qui a du plomb dans l'aile. Mais voilà, le CETA arrive et puis Trump arrive, il veut tout nettoyer. On comprend plus trop. Hein. Il y a une bousculade un peu planétaire. Mais c'est vrai que l'Europe aujourd'hui, la question se pose. Il y a eu la votation en Suisse, pays hyper capitaliste quand même. Et puis il y a eu 23% quand même de personnes qui ont dit oui sur un revenu de base à 2500 en francs suisses hein, quand même. Hein. Là, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, mais ça a eu le mérite de poser le débat, voilà, d'éclairer. Il y a eu quand même un élan et on le voit bien. Donc la Finlande, pour nous, ce n'est pas souhaitable. C'est-à-dire que le projet de la Finlande, ils ont dit un montant et après ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas défini, qu'ils n'avaient pas... Voilà. Donc ils ont fait l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas parler d'abord du montant. Il faut définir le projet de société qu'on met derrière le revenu de base sur lequel on va avancer. Donc ça veut dire le débat national, etc. Le partage avec tous les acteurs. Et derrière, la Finlande, c'est quoi ? C'est les transferts sociaux. Où là, vraiment, on est sur... c'est l'État qui fait les économies, mais au détriment des bénéficiaires. Il n'y a aucune valeur ajoutée pour les bénéficiaires. Ce n'est pas le projet qui est porté par le revenu de base aujourd'hui. Hein. Et par rapport à la question de l'emploi, je n'ai pas utilisé le mot rapport de force, j'ai utilisé le pouvoir de négociation. Ça veut dire que même les syndicats ont besoin du salarié au sein de l'entreprise pour lui faire remonter tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, qui cotise. Et derrière, le pouvoir de négociation, il est quotidien. Après, bien sûr, il y a des négociations sur les accords de branche, etc. C'est un autre débat. Mais aujourd'hui, je ne me lève pas pareil si je vais dans un travail qui m'épanouit. Est-ce que c'est le cas ? Et c'est ça la question que pose le revenu de base. Ce n'est pas la question de la remise en cause d'un modèle pour par lui ou autre chose. Non, on voit bien aujourd'hui le nombre de personnes qui ont un travail subi et non choisi. Par manque de qualification, par leur histoire familiale, de santé. Enfin, aujourd'hui, on est sur une approche plurielle de la société. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on peut arriver à faire comprendre les syndicalistes, hein, plutôt que les syndicats et les salariés, c'est notre débat. Mais derrière, pour que on puisse s'entendre. Alors, c'est vrai que les syndicats ont déjà du mal à s'entendre entre eux. Donc, bon, faut avoir une démarche vraiment ouverte, non violente et même bienveillante pour essayer de mettre en avant des idées fortes sur lesquelles on pourrait se baser via des expérimentations. Voilà. À un moment donné, il faut objectiver, on en parle, il faut le faire. Alors, Michel Renaud, sur le plan économique, si on part de l'hypothèse qu'un revenu de base serait instauré, est-ce que on peut imaginer que justement le fait que peut-être les gens choisiraient plus leur travail, est-ce que l'économie pourrait en bénéficier ? Est-ce que ça bouleverserait tout complètement ? Est-ce que l'économie est prête à subir un tel changement ? Bah, il y a plusieurs questions qui se posent à ce niveau-là. Et c'est-à-dire, enfin, pour moi, je ne sais pas si je vais répondre directement à la question, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne un petit peu dans ce qu'on raconte ou ce qui se raconte. C'est d'une part, quel est le diagnostic qu'on fait de la situation ? puisque si on veut instaurer un revenu de base, bon, c'est qu'il y a un diagnostic et qu'il y a un certain nombre de problèmes, mais j'ai pas l'impression que le diagnostic il soit forcément partagé ou qu'il soit fait. Enfin voilà, moi ça me pose un peu des questions, ce diagnostic. Et puis d'autre part, quelles sont les finalités? Parce que parmi les finalités qui sont poursuivies et qui sont souvent évoquées, bon, il y a cette question d'une espèce d'émancipation par rapport au travail, donc ça c'est une chose, mais il y a aussi la lutte contre la pauvreté. Je crois qu'on l'a évoqué à propos du diagnostic là qu'il y a eu autour de Rennes et des choses. Mais là aussi, à partir de ce moment-là, c'est quelle lutte contre la pauvreté? Comment et en quoi le revenu de base pourrait-il lutter contre la pauvreté, sauf évidemment à le fixer à des niveaux extrêmement élevés? Alors, d'un point de vue économique, on pourrait avoir sans doute beaucoup de réponses par rapport au revenu de base. D'abord, il ne faut pas oublier la question du financement de ce revenu de base, dont on n'a pas dit grand-chose jusqu'ici, me semble-t-il, parce que là aussi, le revenu de base, bah, comme la protection sociale ou comme d'autres revenus dits d'assistance ou assistentiels, il faut les financer. Comment le finance-t-on? Alors certains proposent effectivement une forme de fiscalisation. Il y a différents projets de fiscalisation. Bon, Baptiste Milondo, c'est plutôt un impôt de type progressif. Bon, il y en a d'autres où c'est une logique de flat tax, d'impôt proportionnel qui permettrait de financer tout cela. Bon, mais les effets redistributifs bon, enfin, sont pas forcément très, très clairs et très, très avérés. Donc il y a d'autres propositions qui semblent finalement plus simples. Hein. Par exemple, ce que propose Jean Gadret, une forme d'augmentation des minima sociaux, donc qui selon lui coûterait en gros 1% du PIB, donc pour arriver à des minima sociaux qui serait tout à fait satisfaisant pour des individus ou des familles. Donc voilà, alors sur les effets macroéconomiques, il ne faut pas oublier non plus, parce qu'on a parlé des rapports de force, on va dire syndicats, patronat, pour faire très simple, mais il y a d'autres rapports de force qui superposent à ça. C'est où sont les firmes multinationales dans tout ça, ou internationalisées, parce qu'on voit aujourd'hui le pouvoir que de telles firmes ont sur les États d'une part et puis sur des hommes politiques d'autre part. Et là aussi, en quoi le revenu de base, par exemple, le modifierait ces rapports de force qui aujourd'hui sont extrêmement prégnant. Il y a des firmes qui aujourd'hui sont plus puissantes que des États. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien aussi comment elles influencent, elles infléchissent les législations nationales. On l'a vu à travers les négociations qu'il y a pu y avoir et les réactions qu'il y a pu y avoir aux différents traités de libre-échange, le TAFTA, le CETA, etc. On voit bien là aussi la pression des firmes multinationales, donc qui peuvent finalement infléchir les politiques d'État, ou qui pourraient infléchir les politiques d'État. Donc il y a aussi tout ça à penser, c'est-à-dire que les effets, enfin, on voit, moi ce que je vois, mais encore une fois, je prétends pas détenir la vérité, c'est simplement des questions que je me pose et je n'ai pas forcément toujours les réponses. C'est-à-dire que j'ai l'impression souvent que dans les appréciations du revenu de base, il y a toujours des solutions sur chaque point. Mais en même temps, l'aspect systémique de la logique me manque un peu, c'est-à-dire on peut avoir des réponses ponctuelles effectivement sur chacun des points ou des critiques qui sont évoquées. Mais après, comment tout cela s'articule et s'engraine, moi, ça me pose question. Or, en économie, on voit bien que la complexité des effets, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à matérialiser. C'est pour ça aussi que les expérimentations ponctuelles posent question, parce que les effets systémiques, là-dedans, sont un peu, enfin, risquent d'être un peu négligés ou un peu oubliés. Très bien, donc on approche de la fin. Je voudrais juste citer par rapport à peut-être une idée de communication qui pourrait être faite autour du revenu de base. Vous avez peut-être entendu parler du Grundeinkommen en Allemagne, qui avait été un projet qui était mené l'année dernière, qui était en fait une plateforme de financement participatif où à chaque étape de 12 000 euros qui étaient récoltés, il y avait une personne qui était tirée au hasard et qui recevait 1000 euros par mois pendant un an. Les personnes qui pouvaient toucher étaient vraiment très diverses. Il y a un enfant de 8 ans qui a reçu, il y a une retraitée aussi qui a touché. Est-ce que, Pascal Branchu, juste pour terminer très rapidement, ça peut être une idée pour tester un peu le revenu de base, voir quelle serait l'opinion en France d'instaurer un système comme ça? Alors, c'est ce qui a été expérimenté en Namibie, en fait, où on est parti comme ça, des mécènes. Il y a eu aussi une autre approche qui était en Utah, aux États-Unis pendant 10 ans. Ils ont donné 1 500 $ pardon, à des personnes qui étaient à la rue pendant 10 ans pour voir les effets. Et tout positif, quoi. Des gens qui ne sont pas retournés à la rue, qui sont occupés de leur santé, leur emploi, etc. Et en fait, ils étaient partis d'une étude où ils faisaient le coût total dans la société des personnes qui étaient SDF. Ils ont dit, bah, plutôt que de payer les pots cassés, que ça coûte, ils ont fait leur travail. C'est exactement le principe du revenu de base aujourd'hui, où plus on agit en amont, ce qu'on appelle la prévention, et moins ça coûte cher. Et c'est pas seulement économique, c'est le coût social, etc. Donc c'est, oui, tout à fait une possibilité. Une idée d'expérimentation peut-être pour voir ce que ouais, ça donne. Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Donc merci à nos trois invités, Pascal Branchu du Mouvement Français pour un revenu de base, Michel Renaud, maître de conférence en économie à l'Université de Rennes 1, Didier Gaillard, représentant du syndicat Force Ouvrière en Ille-et-Vilaine. Donc on voit que c'est un sujet qui fait encore vraiment débat. Si vous voulez comprendre tous les enjeux du revenu de base, je peux peut-être vous conseiller la vidéo de Dessine-moi l'écho qui est faite avec Le Monde, qui réexplique très bien les enjeux du sujet. Vous trouverez tous les liens ainsi que les livres qui ont été cités durant l'émission sur le site, sur la page de l'émission, sur le site de Radio Laser, radiolaser.fr. Merci à Colin et Clément pour la participation à l'émission avec leur chronique. Merci à Yves et Arthur à la technique. Un grand merci au Club de la Presse de Bretagne qui nous accueille cette semaine encore. Je me permets de citer le rendez-vous qui aura lieu le 12 décembre prochain. C'est donc après-demain. C'est une rencontre avec Bernard Henselm, l'ancien directeur délégué au développement durable de la communication de la SNCF. Donc vous pouvez vous y rendre. Vous trouverez toutes les informations sur le site du Club de la Presse. La semaine prochaine, dans la Popote des Idées, nous questionnerons autour de l'intérêt des monnaies locales et notamment du Galeco. On espère que vous serez au rendez-vous. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, avec le hashtag La Popote. Il est 11h30 sur Radio Laser. Tout de suite, c'est Eureka avec Marc.